Alors. 2. Amis. 3. Journal. 4. Assez. 5. Beaucoup. 6. Blond. 7. Sportif. 8. Bonjour. 9. Cahier. 10. Sac. 11. Chercher. 12. D'accord. 13. 2. 14. Guichet. 15. Là-bas. 16. Avec. 17. Madame. 18. Professeur. 19. Salle. 20. Bavard. 21. Salut. 22. Secrétariat. 23. Animal. 24. Sérieux. 25. Très.